Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 49. Des parties intégrantes de la prudence. On examine chacune des parties intégrantes de la prudence, la mémoire, l'intelligence, la docilité, etc. 1. La mémoire fait-elle partie de la prudence? Il est certain que la mémoire fait partie de la prudence, car, ne pouvant pas toujours nous diriger par des principes absolus et nécessaires dans les actions contingentes qui sont l'objet de cette vertu, nous devons nous en tenir à ce qui arrive le plus souvent, et, à cet égard, l'expérience et le temps sont nos maîtres. Or l'expérience n'est que le résultat de plusieurs souvenirs. La prudence exige donc la mémoire. Note. La mémoire ne vient pas uniquement de la nature, elle doit beaucoup à l'art et à l'industrie. Il y a quatre moyens qui servent à la développer. Le premier, c'est de se représenter par des images les choses que l'on veut retenir. Le second est de se classer avec ordre ces choses dans l'esprit, afin que l'une conduise naturellement à l'autre. Le troisième consiste à s'appliquer avec affection aux choses que l'on veut se rappeler. Le quatrième est d'y penser souvent. Fin de la note. 2. L'intelligence fait-elle partie de la prudence? Énumérant les parties de la prudence, Cicéron signale, sous le nom d'intelligence, l'appréciation droite et vraie des derniers principes que l'on admet comme évidents dans les choses pratiques. Nos déductions rationnelles, en effet, procédant de principes acceptés sans discussion et posés comme des principes premiers, tout acte de la raison dérive de l'intelligence. Dès lors la prudence, qui n'est autre que la droite raison appliquée aux actions, revendique l'intelligence elle-même pour l'une de ses parties intégrantes. Note. Les principes pratiques, appelés derniers principes, sont le résultat d'un principe universel, appliqué à une action contingente. Ces principes, qui forment en quelque sorte la mineure d'un syllogisme, comprennent nos fins particulières. Fin de la note. 3. La docilité est-elle une partie de la prudence? Le propre de la docilité est de profiter des enseignements d'autrui. On la range avec raison au nombre des parties de la prudence. Il n'est pas possible qu'un seul homme connaisse tout ce qui peut compliquer les choses humaines dans la pratique. Un simple coup d'œil de l'intelligence ne suffit pas, il faut du temps et des années. C'est pourquoi, dans tout ce qui touche à la prudence, nous avons besoin d'être instruits par les autres, et principalement par les vieillards, qui tiennent leurs principes pratiques de l'expérience même. Le philosophe n'a pas tort de conseiller aux jeunes gens de prendre en considération les assertions des hommes expérimentés et les opinions des personnes d'âge presque autant que des propositions démontrées. Ne lisons-nous pas dans l'Écriture, ne vous appuyez pas sur votre propre prudence, Proverbe 3:5. Tenez-vous debout dans l'assemblée des vieillards, et unissez-vous de cœur à leur sagesse. Ecclésiastique 6, 34. Note. La docilité est tellement nécessaire à la prudence que les vieillards eux-mêmes, malgré leur expérience, en ont encore besoin. Nul ne peut avoir la présomption de se suffire à soi-même. Fin de la note. 4. L'habileté prend-elle rang parmi les parties de la prudence? De même que la docilité nous dispose à recevoir des autres la justesse d'opinion, l'habileté nous met en état de l'obtenir par nous-mêmes. Elle n'est au fond qu'une certaine sagacité qui aide à découvrir facilement et promptement le meilleur parti à prendre dans la circonstance présente. La prudence en a besoin, surtout lorsqu'il faut agir avec résolution et sans retard. Note. L'habileté est une vue soudaine de ce qui convient dans le moment actuel. Fin de la note. 5. Le raisonnement doit-il être regardé comme une partie de la prudence ? C'est à juste titre que le raisonnement est considéré comme une partie essentielle de la prudence. Tout le monde conçoit que, pour être prudent, nous devons en faire un bon usage. Note. Le raisonnement supplée au défaut de l'intelligence, il n'a point d'application là où la vérité est perçue par intuition. Mais la prudence exige que l'homme en fasse un bon usage lorsqu'il s'agit d'appliquer les principes universels aux choses particulières, qui sont si variées par elles-mêmes et si incertaines. Fin de la note. 6. La prévoyance ou providence humaine est-elle une partie de la prudence ? La prudence, ayant pour office propre de diriger les moyens vers la fin, a pour partie principale la providence humaine ou la prévoyance par laquelle nous rapportons à une fin les futures contingences soumises à notre action, les seuls qui, à proprement parler, échappent à la nécessité, car les choses passées et les choses présentes elles-mêmes tombent sous la loi du nécessaire, les choses passées, puisqu'il est impossible que ce qui a été ne soit pas, les choses présentes. Dans le sens qu'il est nécessaire, par exemple, qu'un homme soit assis quand il l'est actuellement. Les futurs contingents qui peuvent être rapportés par nous à la fin de la vie humaine, voilà ce qui appartient en propre à la prudence. Or, cette double condition est impliquée dans les mots « providence » et « prévoyance », lesquels impliquent un rapport entre ce qui est éloigné et ce qui doit être ordonné dans le présent. Ainsi la prévoyance est une partie essentielle de la prudence. 7. La circonspection fait-elle partie de la prudence ? La prudence a principalement pour objet la coordination des moyens par rapport à la fin. Or il peut arriver qu'un moyen, bon lui-même est convenable à une fin, soit rendu mauvais ou inutile par certaines circonstances. Témoigner, par exemple, de l'affection à un homme. C'est en soi un acte très propre à nous concilier son cœur, mais ce moyen ne sera plus approprié à la même fin, s'il fait naître l'orgueil dans celui qui en est l'objet, ou s'il lui occasionne le soupçon de flatterie. La circonspection, par laquelle on juge d'après les circonstances ce que l'on destine à une fin, est, comme on le voit, nécessaire à la prudence. Note. La prévoyance signale d'avance les moyens qui, de soi, peuvent conduire à la fin, la circonspection juge ces moyens d'après les circonstances présentes. Fin de la note. 8. La précaution peut-elle être une partie de la prudence ? Marchez avec précaution, nous dit l'apôtre, Éphésiens 5, 15. Dans nos actions, le vrai et le faux, le bien et le mal étant souvent mêlés ensemble, il arrive que le bien est souvent empêché par le mal, et que le mal revêt souvent aussi l'apparence du bien. Dans cette occurrence, la prudence a besoin de précaution, afin de discerner la manière dont elle peut faire le bien et éviter le mal. Note. La précaution nous est nécessaire dans les actes moraux, pour nous mettre en garde contre ce qui fait obstacle aux vertus, pour nous garantir des maux qui arrivent le plus ordinairement dans la vie, et pour nous disposer à recevoir, avec le moins de dommages possible, les assauts de la fortune. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.